Alpha? Alpha? Alpha? Cigale est fragile, je l'ai vu dans son regard. Imagine, petite Jessica dans son coin. Moi-même j'y crois pas. Elle était au premier rang, il me semble. Au premier rang, innocent. Au premier rang, elle me fixait. Au premier rang. Putain que c'est bizarre ce visage, mais familier parmi ces milliers de gens. Drôle d'histoire et je pourrais te jurer que tu serais jamais resté pisse-toi. Attends, je récapitule. Je crois qu'avant-hier au zénith de Pau, ouais, c'est elle qui s'est pointée avec ce joli pot. Ouais, c'est elle qui m'a dit que j'étais le genre de black que les go aiment. Petite fan cool, soit le dernier de mes problèmes. Chelou, ce soir dans les loges, mon manager me dit que dehors j'ai un proche qui m'attend depuis qu'on a terminé le concert et je me demande c'est qui. Parce qu'ici je connais personne, bref, j'y vais. Et comme toujours, les plus déterminés sont là pour me passer le bonjour. Yes, merci la famille, vous êtes les meilleurs supporters. Oui, ça vient du fond du cœur, moi-même je suis déçu de partir. J'ai beau chercher du regard, je vois toujours pas ce fameux proche. Je crois bien comme on dit chez nous, Harry le boss m'a viré un coche. Mais, juste avant de partir, on m'appelle par mon prénom. Alpha. Une silhouette dans la pénombre. Alpha. Salut, ça va? Ouais, cool. Franchement, j'aime trop ce que tu fais, je te suis partout, j'ai assisté à quasiment tous tes concerts, je te jure. Bah merci, hein, c'est cool, c'est gentil. Mais ta tête, elle me dit quelque chose. Voilà, en fait, je veux pas trop te retarder, j'aimerais juste une photo avec toi avant que tu partes, s'il te plaît. Ouais, vas-y, ma sauce, y'a pas de problème. Elle était si calme et fragile, je l'ai vue dans son regard. Imagine, petite Jessica dans son coin. Moi-même j'y crois pas. Elle était au premier rang, il me semble. Au premier rang, innocent. Au premier rang, elle me fixait. Au premier rang. Je croyais que j'avais que des supporters et non des fans. Je ne me prends pas pour une star, mon histoire c'est pas Stan. Oui, j'ai ma petite vie sur Belize avec la mif et je prie pour ne pas tomber sur ce genre de type hystérique. Mais ce week-end fut délicat, digne d'un drame américain. Je me dis que dans la suite tout le monde va penser que je suis dingue. Cette fille qui me revient chaque fois en tête, on dirait qu'elle m'observe et ça m'embête depuis le début de la tournée. La nuit comme la journée, l'impression d'être manipulé comme si j'étais un jouet. Ce numéro privé qui m'appelle tous les deux jours et ses messages interminables qui défilent sur Facebook. Black M, je t'admire, tu es ma seule famille, tous les week-ends pour toi je descends sur Paris. Je sais que t'es marié et que t'as un fils. Oui, je suis folle de toi au point de prendre des risques. J'avoue ne pas savoir comment réagir. Comme on dit chez nous, oh la mif agible. Et ce jour-là, oui, tout près de chez moi, chantait qu'elle était là, peut-être l'instinct animal. Dimanche grasse mat, jour de repos, hein. Genre du studio et chez moi, ça répond hop. Pas de quoi stresser, je suis juste pressé. Fatigué, comme t'as pas idée. Fin de l'album, tout le monde a validé. Bref, je suis arrivé, j'ai sorti mes clés. Mon cœur qui bat fort, mais quel est cet effet? Je me sens chelou, comme si le danger était à mes pieds. Comme si elle m'épiait. Et là dans mon salon, qu'une scène plutôt paro. Ma femme en train de gigoter, complètement ligotée. Je me jette sur elle, défait son bandage. Dis-moi qu'est-ce qui se passe, où est le type? Et dans mon angoisse, je la laisse et fonce dans sa chambre. La porte est comme bloquée. J'entends des pleurs. Je mets un gros chassé et la porte se casse. Une silhouette de dos. Soudain se retourne, mon fils dans ses bras. Oui, elle était là. Je t'avais dit que j'étais prête à tout. Si c'est un cauchemar, s'il vous plaît, réveillez-moi. Elle était si calme et fragile, je l'ai vue dans son regard. Imagine, petite Jessica dans son coin. Moi-même j'y crois pas. Elle